sur France Inter. Les amigos. Cabron. N'ayez pas peur. Si. Alors. Mais il n'y a pas une espèce de lancement, Nagui. On va retrouver ton optimisme légendaire puisque tu penses que ce sera aujourd'hui ta dernière fête du travail, carrément. Ouais, et pour le coup, c'est même pas tellement une question d'espérance de vie. Parce que là, je mange 60 courgettes par semaine. Mon corps, on dirait Venise. Ouais, j'ai le sang, il est redevenu tout limpide. Ah, dommage qu'il n'y ait plus personne pour visiter. Heureusement qu'il nous reste le rire. Hein. Non, je crois que c'est ma dernière fête du travail, dans le sens où bientôt, je pense que je ne vais plus vraiment avoir de travail. Et je ne parle pas des chroniques. Hein. Les chroniques, ce n'est pas vraiment un travail. Un truc que tu fais une fois par semaine à la va-vite. Je n'appelle pas ça un travail. Daniel, il ne m'a jamais dit me brosser les dents, c'est mon travail. Non, il faut une régularité. Quoi. Et il faut un vrai salaire. Parce que là, les chroniques, ça me paye vaguement mon parmesan. Tu vois. C'est vrai que moi, je gagne plus avec mes cours de Paris sportifs. Hein. Vous voulez un tuyau? PSG Rennes, ça va être reporté. Gardez vos sous pour acheter une visière. De toute façon, pour moi, les chroniques, c'est mort. Bientôt, quand vous serez tous de retour en studio à Paris, moi, je serai tenu en joue par un douanier. Je lui ferai, laissez-moi passer. Je suis Ernesto, fils du projet européen. Il me ferait, bah ouais, je connais la drôle d'humeur. Ça fait 3 ans que t'es redondant. Là, il fera un clin d'œil à Fanny Ruet, qui était cachée dans un coin pendant toute la scène et qui passera la frontière en faisant, c'est un porteur sain. Tiens, en parlant de Belges qui parasite France Inter, vous savez qu'on a repris une salle de spectacle avec Alex Vizorek? Moi, je suis un de ces visionnaires quand j'investis de l'argent. Putain. D'abord ma cabine téléphonique, maintenant mon comedy club. À quand un plan compact 10 pirates avec Jérôme Kerviel? Hein, on sait pas quand on va pouvoir rouvrir notre salle. Les nouvelles sont rassurantes, hein, ceci dit en Belgique. La ministre a dit que ce serait max avant la prochaine ère glaciaire, hein, en déant les 16 000 ans. Un mardi, en plus, comme par hasard, le jour de l'happy hour. Putain, le stand-up, c'est la galère, hein. C'est ça mon vrai métier. Là, je venais de sortir un deuxième spectacle. Les critiques étaient top. Robert Ménard m'avait dit, ça fait longtemps que j'avais pas autant ri. Valeur actuelle, ils m'ont appelé le nouveau Pastureau. Ça partait bien et tout, hein. Toutes mes dates étaient sold out. En Belgique, je devais jouer 5 fois devant 400 personnes. Là, pour garder les distances, je vais devoir jouer 400 fois devant 5 personnes. Et on peut jouer 400 fois devant 400 personnes, mais on peut pas jouer 4. Cette blague, elle s'est essoufflée à une vitesse. Ouais, en l'écrivant, je me suis dit, ça c'est prometteur. Hein. Je vais finir par un clin d'œil irrésistible. Genre, prenez un chewing-gum, Daniel, et tout, ça va faire un carton sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça floppe, comme ma carrière. Putain, comment on va faire? Nous, les stand-uppers, sans public compact, ils parlent de salle remplie, un siège sur deux, un rang sur deux. Mais ça marche pour l'opéra. Hein. À l'opéra, les gens, de toute façon, ils sont réveillés, un siège sur deux, un rang sur deux. Mais nous, c'est différent. On a besoin de l'énergie. On a besoin de voir l'énergie des gens. On a besoin des rires. Surtout moi, Jean-Marina Rollman, ça, si ça rigole pas, au moins les gens ils se disent c'est intelligent. Moi, si ça rigole pas, les gens ils se disent ok, on en sait un petit peu plus sur la géométrie de sa bite. Maintenant, est-ce qu'on peut récupérer nos 35 euros? Toi, c'est pas pareil, quoi. Je suis inquiet parce que stand-upper, c'est le travail que j'ai préféré de ma vie jusqu'à présent, quoi. Et il va encore falloir que je me reconvertisse. Et je sais que Nagui cherche un assistant, mais moi j'y connais rien en massage de pied. En plus, je suis allergique aux callosités. Ça va encore me passer sous le nez, cette histoire. Non, l'avenir il est sombre, hein. Du coup, je crois que je vais arrêter de manger les courgettes. Allez, bonne émission, les amis. Bravo! Yeah! Bravo!